Je me suis endormi au pied du grand chêne, pendant que papy réparait ma chaîne. Que fait ici tante Philomène? C'est vrai, quand je roule, je suis tête en l'air. Je ne ménage pas ce vieux vélo vert. Papy me regarde d'un air sévère. Où est donc passé mon grand-père? Sa casquette, son par-dessus vert. Si je rentre sans lui chez grand-mère, c'est sûr, je serai privé d'essai. Pourtant il est bien là, son verre en pyrex, sur la toile cirée près de son rond de serviette. Près du pain, je vois ses cigarettes. Sous la pantille, je vois toujours son solex, avec sa sacoche d'où dépasse un chou vert. Sous l'établi, ses bottes pleines de terre. Où est donc passé mon grand-père? Sa casquette, son par-dessus vert. Si je rentre sans lui chez grand-mère, c'est sûr, je serai privé d'essai. Pas que je fouille dans ses affaires, je laisse tout en vrac, il se met en colère. Ça nous occupe de tout remettre d'équerre. Il n'est pas que je traîne avec ma cousine Claire, qu'à la peau si douce, qu'à la jambe si légère, qui dans le foin me montre ses seins clairs. Où est donc passé mon grand-père? Sa casquette, son par-dessus vert. Si je rentre sans lui chez grand-mère, c'est sûr, je serai privé d'essai. Je sais bien qu'on ne se parle guère, et qu'entre nous c'est souvent la guerre. Mais je n'ai pas d'instinct grégaire, même s'il me voit comme un va-t-en-guerre. Que font tous ces gens autour de grand-mère? Qu'est-ce qu'ils ont tous à regarder par terre? Y'a même le chien, même ma cousine Claire. Il faudrait éteindre tous les haricots verts, sortir le vin rouge, mettre le couvert, avant que papy ne revienne par derrière. Où est donc passé mon grand-père? Sa casquette, son par-dessus vert. Si je rentre sans lui chez grand-mère, c'est sûr, je serai privé d'essai. Quand je pique un somme au pied du grand chêne, j'entends ses outils, je vois ses étagères pleines de clous, de pointes, de fils de fer. Quand je bois du vin dans un verre en pyrex, quand dans le chemin passe encore un solex, alors je me souviens, j'allume une cigarette.